Amis humains, bonjour. Réchauffement climatique, ah, la vache. Explosif. Qui? Quoi? Ben, les pets de vache. Ça s'est passé en Allemagne où le méthane contenu dans les pets d'une centaine de vaches confinées dans une étable teutonne a explosé, blessant quelques bovidés et foutant le feu au toit de l'étable. Les pets se seraient enflammés suite à une décharge électrostatique. Eh oui. Les pets, ça brûle. Qui, dans quelques délires de jeunesse, n'a pas fait brûler ses pets? Le jet léger prend des couleurs allant du jaune soufre au bleu sainte vierge selon le repas de la veille. Délicat. Mais gare au poil du cul. Trêve de gaillardise. Tous les bestiaux produisent du méthane lorsqu'elles flatulent. Et les ruminants, bovins, ovins, caprins, balancent beaucoup plus de ce gaz que les monogastriques, porcs et volailles. Les vaches laitières évacuent quotidiennement autour de 500 g de méthane. Multiplié par les centaines de millions de ces bestiaux, ça en fait du gaz à effet de serre. Selon la FAO, les bovidés confinés dans des élevages produisent 44% des émissions mondiales de méthane. Plus que l'industrie. Plus que les transports. Un espoir pour le cul musical de nos amis les vaches, des chercheurs d'une université états-unienne ont découvert qu'un complément alimentaire, le 3-nitroxypropano, 3-NOP, bloque l'enzyme responsable de la formation de méthane dans la panse des bovins. Sans pour autant affecter la digestion des bestiaux ni nuire à leur production de lait. Si cet inhibiteur de méthane est agréé par les autorités compétentes, cela pourrait avoir un impact important sur les émissions de gaz à effet de serre car les gaz émis par les vaches pourraient être réduits de 30%. En voilà une nouvelle qu'elle est bonne. Faudra peut-être que j'en donne à ma femme. Victor. C'était une sélection radio parasite. À bientôt et grosse bise numérique.